précédemment dans la République de Platon. Tous les poètes ne sont pas bannis. Donc, ce qui est banni, c'est seulement la poésie imitative qui imite de mauvaises choses, d'après Platon. Donc, de ce point de vue-là, la critique est basée sur le fait que certains poètes imitent des comportements que Platon estime ne pas aller dans le bon sens pour l'éducation des gardiens, qui, je vous le rappelle, doivent faire preuve d'ardeur. La République de Platon, saison 1, épisode 4. Platon est-il communiste ? Citoyens, je vous vois sans cesse employer des chefs incapables qui pourrissent les affaires de la cité. D'ailleurs, ces chefs seraient-ils tous très bons que cela ne changerait rien ? Car c'est toi, ô peuple, qui les corromps en désirant des choses contradictoires, en te divisant, en luttant contre toi-même. Ainsi, les riches désirent une chose, les pauvres une autre, les uns tirahu, les autres adia, et l'État marche quinquart. Admirable parti. Ah ben voilà ce que j'appelle un homme. Mais si vous voulez bien m'écouter, ô citoyens, vous pouvez encore sauver la cité. Et voici le moyen. C'est aux femmes. Aux femmes, dis-je, qu'il convient d'abandonner le pouvoir dans l'État. Bravo. Très bien. Oh ben, très bien, mon brave. Quel homme. Et pourquoi, en effet, ô citoyens, ne confieriez-vous point aux femmes le gouvernement de la cité, puisque déjà, vous leur confiez celui de vos maisons. Ah, ne sont-elles pas vos intendantes, vos économes? Paraphrodite, Praxagora, es-tu bien sûr de n'être pas un homme? Ainsi donc, ô homme, confions-leur l'État sans ergoter. Oui. Oui. Car avec les femmes comme chef, Athènes connaîtra enfin la paix, le bonheur et la prospérité. Bonjour Fulcran Tesserin. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Bienvenue dans notre marathon Platon, notre mara-platon, puisqu'on consacre 2 semaines, 8 émissions à la République de Platon. C'est la 4e émission. On va lire ensemble le livre 5. Disons-le d'emblée, c'est un livre, on hésite entre le caractère insoutenable et le caractère comique, tellement les mesures énoncées par Platon sont dures à l'encontre des citoyens. C'est pour ça que j'ai choisi de commencer avec un extrait d'Aristophane, donc c'est-à-dire le versant comique de l'argument de la première partie du livre 5 de Platon, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, versant comique, ça voudrait dire que les deux textes sont strictement contemporains. Nous pensons, enfin, du moins les spécialistes, que le texte d'Aristophane précède le texte que nous avons actuellement de Platon. Il se pourrait, c'est une hypothèse qui a été avancée par certains, qu'une première rédaction de la République ait circulé jusqu'au livre 5, et que Aristophane ait ensuite rédigé son texte. Donc l'Assemblée des femmes. L'Assemblée des femmes, d'ailleurs, en réaction ou pour se moquer des idées de Platon. Ceci dit, l'argumentation qu'il développe, certes, emprunte des choses à Platon, mais elle a une certaine autonomie, une certaine force également, et on peut penser que Aristophane ne fait pas simplement que reprendre ou caricaturer, il donne aussi à cette hypothèse communiste et féministe une force qui lui est propre. Alors, communiste, vous avez employé le terme, oui. Donc ça veut dire que dans le livre 5 de Platon, on peut dire que Platon est communiste. Alors, on peut dire qu'il est communiste au sens où il met en commun 3 choses. Hein. Les biens d'abord, les femmes ensuite, les enfants enfin. Voilà. En ce sens-là, il est communiste. Ouais. On pourra revenir, si vous voulez, sur ce qui distingue ce communisme-là de Platon du communisme plus tardif, celui du 19e siècle, ou celui de Marx et d'Engels. Oui, d'autant que Platon va plus loin que les expériences qu'on le connaît du communisme réel mis en pratique, puisque la mise en commun des femmes et des enfants à ce point, je ne sais pas s'il y a déjà eu des exemples dans la vie réelle, si Non, enfin... Officiel, en tout cas. Il y a quelque chose qui pourrait s'y apparenter, ce serait les kibbutz. Ouais. Israéliens, voilà. À ma connaissance, dans les kibbutz, on ne retire pas les enfants non. aux femmes pour les, et on non, ne sélectionne même... pas les enfants à la naissance selon pas, leur aptitude à la survie. Exactement. Mais c'est y a... ce qui va se passer voilà. ce matin. Alors juste pour le côté dramaturgique de l'histoire, donc au 5e livre de la République de Platon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Socrate, et comme souvent, dans ce texte, contraint d'avancer, contraint de parler. Il voudrait un peu se dérober à la réflexion, puis Glaucon et Adimante, qui sont à côté, lui disent « Non, dis-nous ce qu'il en est, et comme tu commences à exposer ce à quoi ressemblerait la cité idéale, il faut continuer. » Et Socrate prend une image très intéressante, il dit « Mais je suis comme un homme qui tombe dans une piscine ou au beau milieu de la mer et qui ne sait pas, et qui se met à nager. Nous devons nager, dit-il, et aussi essayer de sortir sauf de la discussion, soutenu par l'espoir que nous trouverons peut-être un dauphin pour nous porter ou quelque autre impossible moyen de salut. » Et c'est le début des métaphores des vagues. Tout au long de ce cinquième livre, il y aura une première, une deuxième et une troisième vague. Cette fois-ci, pas de Covid, mais une vague de pensée. Tout à fait. Parce qu'il sait que chacune des propositions qu'on l'invite à faire, puisqu'il doit préciser quelques-unes des institutions importantes de sa cité juste, il sait que les propositions qu'il va faire vont soulever trois vagues d'objections. Hein. Donc il y a trois propositions, il y a trois vagues. Les trois propositions, c'est... la première proposition, c'est une proposition égalitaire. Hein. On va y revenir. La deuxième proposition, c'est la proposition communiste, au sens strict du terme. Et la troisième proposition, c'est la proposition philosophique, au sens où on doit, c'est le plus connu, donner le pouvoir aux philosophes ou faire en sorte que le roi soit philosophe. Mm-hmm. Chacune de ces trois propositions est évidemment très audacieuse, et il sait parfaitement que elles soulèveront de très nombreuses objections. Donc ce sont ces objections qu'il appelle des vagues et qu'il va essayer de surmonter, au milieu desquelles il va essayer de nager, de trouver un dauphin qui l'amènera à bon port. Alors rappelez-nous, juste avant qu'on entende la première proposition, pourquoi Socrate est-il en train de parler de la cité idéale? Quel est l'enjeu? Alors dans le cadre de la République dans son ensemble, on pourrait penser que le livre 5, 6 et 7 forment un peu un excursus, puisqu'il sera essentiellement question du philosophe et de son pouvoir, mais pas complètement. Parce que l'enjeu de départ de la République, on le rappelle, c'est de définir la justice et de répondre à la question simple porte sur le bonheur ou l'intérêt que il y a à être juste. Mm-hmm. Est-ce que être juste est quelque chose que l'on peut vouloir pour soi-même et en plus pour les effets que ça produit? Bon, ça c'est la question d'entrée, hein, la question qui ouvre véritablement le débat dans la République. Alors cette question, Platon, Socrate va vouloir y répondre se proposant d'identifier ce qu'est la justice, et il va l'identifier là où elle est d'abord la plus visible, là où elle est écrite en gros caractères, c'est-à-dire dans la cité. Et c'est à ce sujet qu'il va donc développer le portrait, le modèle d'une cité juste, et il va transposer en quelque sorte les caractères et les traits principaux de cette justice dans la cité, il va les transposer à l'âme, et donc il pourra ainsi définir ce que c'est que l'homme juste. Et une fois que l'homme juste est également défini, ce qui a eu lieu d'ailleurs en grande partie au livre 4, il pourra se prononcer sur le bonheur qui appartient ou non à cette condition, et donc ainsi répondre à la question de départ. Donc le livre 5 qui précise les institutions fondamentales de cette société juste contribue de cette façon-là à répondre à la question de départ. Hein. Voilà. Et donc c'est l'exposé d'une cité idéale selon Platon qu'on va entendre ce matin. Voilà, c'est l'achèvement du portrait de cette cité idéale. Voilà. Donc, on va entendre un premier texte. Socrate va exposer l'idée selon laquelle il n'y a pas vraiment de différence civile entre l'homme et la femme. Vous avez entendu l'extrait de l'Assemblée des femmes d'Aristophane qui a ouvert cette émission où les femmes prenaient le pouvoir. Les hommes dans la pièce, hein, les hommes se réveillent et soudain ils sont stupéfaits d'apprendre les réformes que les femmes entendent adopter. Voici donc le point de vue de Platon. Il n'y a aucune occupation des gens qui administrent une cité qui revienne à une femme parce qu'elle est femme, ni à un homme parce qu'il est homme. Mais les natures sont pareillement réparties dans les deux ordres d'êtres vivants. La femme participe à toutes les occupations, cela est conforme à la nature, et l'homme à toutes. Mais, en toute chose, la femme est un être plus faible que l'homme. Il existe telle femme douée pour la médecine et telle qui ne l'est pas, telle femme douée pour les muses et telle autre étrangère aux muses, tout cela par nature. Et celle-ci n'est pas douée pour l'exercice nu et douée pour la guerre, tandis qu'une autre est étrangère à la guerre et n'aime pas l'exercice nu. Mais alors, il y aurait bien telle femme qui aime la sagesse et telle femme qui la hait, telle qui a du cœur et telle autre non. Il existe donc aussi telle femme douée pour la garde et telle autre non. N'est-ce pas un tel naturel que nous avons sélectionné aussi chez les hommes doués pour la garde? Donc aussi bien chez les femmes que chez les hommes, existe le même naturel adapté à la garde de la cité, si ce n'est que l'un est plus faible et l'autre plus fort. Et ce sont donc de telles femmes qu'il faut sélectionner pour vivre avec des hommes du même genre et pour monter la garde avec eux, si toutefois elles y sont suffisamment propres et y ont une nature parente de la leur. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et le livre 5 de La République de Platon nous occupe ce matin en compagnie du philosophe Fulcran Tesserin qui va nous aider à comprendre ce texte qui paraît pour le moins ambivalent. D'un côté, égalité, oui, mais de l'autre, la femme est quand même un être plus faible que l'homme, prend-il soin de préciser. Oui, c'est pour ça que le titre que j'ai donné à cette proposition, la proposition égalitaire, serait sans doute à nuancer. À de multiples reprises, Socrate signale que le sexe masculin est plus fort. Mais cette force supplémentaire ne conduit nullement à soumettre les femmes aux hommes et à les exclure des activités de commandement. La différence, il y en a une, n'est pas une différence hiérarchique, car elle n'est pas fonctionnelle. C'est pas une différence fonctionnelle. On dira qu'elle est tout au plus une différence de degré. Elle n'implique, en tout cas, aucune différence de genre et aucune différence d'occupation. Alors, un des points d'ailleurs, je crois, qu'il faut quand même mettre en lumière, c'est que, d'abord, les femmes, et ça c'est quand même très singulier, n'ont pas vocation à rester à l'intérieur. Ça c'est une différence avec la cité athénienne dans laquelle vit Platon. Oui. Les femmes n'avaient pas le droit de vote à l'époque, c'est ça? Elles ne votaient pas, elles ne participaient pas à l'Assemblée. D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi le comique de la pièce d'Aristophane. Donc ce sens, ce texte est plutôt progressiste, là. Alors là, ça revient à plusieurs reprises. On ne doit pas claquemurer les femmes. On ne doit pas les mettre à l'intérieur de la maison ou les confiner à l'intérieur. Donc elles doivent être au dehors et leur fonction principale, c'est pas d'élever des enfants et d'en faire. Bon. Et donc, les tâches qui lui reviennent sont rigoureusement les mêmes que celles des hommes. Et donc, elles doivent recevoir la même éducation, hein, musique et gymnastique. Alors, il faut bien... Et elles doivent s'exercer nues. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que la gymnastique se pratique nue. Et donc, il sait très bien, Platon ou Socrate, quand il avance cette proposition, que les femmes, elles aussi, doivent participer à la gymnastique, que la conséquence, c'est qu'elles pratiquent cet exercice nu. Comme les hommes, puisque les hommes pratiquaient évidemment l'athlétisme et la gymnastique nus. Alors, la gymnastique, oui, la musique aussi. La musique, il faut bien comprendre que la musique ici, c'est pas jouer d'un instrument. La musique inclut l'éducation supérieure, ça inclut le savoir, les mathématiques, la philosophie. Et d'ailleurs, dans l'œuvre de Platon, il y a plusieurs personnages féminins qui interviennent plusieurs reprises et qui sont manifestement des personnages savants, instruits. Il y en a trois qu'on peut identifier. Bon, il y a d'abord Diotime, bien connu dans le Platon, dans le Banquet, qui initie Socrate au mystère de l'amour, au mystère philosophique de l'amour. Mm-hmm. Vous avez Aspasie dans le Ménexène. Hein, et il y a aussi un personnage un peu moins connu, mais qui est aussi très important, c'est Atossa dans la Silbienne majeure. Bon, trois figure de femme éminemment savante, donc on voit très bien que, pour Platon en tout cas, il n'y a absolument pas d'impossibilité à ce que les femmes excellent dans ce domaine-là. Il en témoigne, je dirais. Oui, après il y a aussi Xanthippe dans le Phédon qui se met à pleurer, qu'on demande de sortir de la salle parce qu'elle pleure. Enfin, certes, mais voilà, il y a peut-être des personnages féminins glorieux, mais il y en a qui ne le sont pas. Bien sûr, mais comme les personnages masculins également. Bon, ouais. Enfin bref. Alors je reviens sur la question de la nudité. Alors elle est intéressante parce que la nudité, évidemment, ça met en évidence la différence sexuelle. Sauf que justement, il profite du fait que la différence sexuelle devient visible pour dire qu'elle n'est pas pertinente. Mmh. Que la différence sexuelle, c'est pas une différence de genre. Ça, c'est tout à fait remarquable. Et ici, j'emploie pas le mot genre pour faire genre, mais précisément parce que c'est génos, hein, en grec. Donc, il n'y a pas de différence ici de génos. Hein. Ce que on doit faire ici, c'est précisément se fier au logos et non pas à la vue. C'est vrai que la vue enseigne une différence, mais là, cette différence, elle n'est pas pertinente. Il faut donc faire confiance à la force des arguments. Et les arguments, qu'est-ce qu'ils nous enseignent à ce sujet? Ils nous enseignent que quand on examine la nature de la femme, eh bien, il n'y a rien en elle qui l'exclut de telle ou telle activité masculine. Donc, elle a naturellement vocation à participer à toutes ces activités masculines. Maintenant, mais voilà, on attend quand même le mais. Il y a évidemment un mais. Platon dit, Socrate dit, il y a des différences d'intensité peut-être, des différences de force. Après, il hésite un tout petit peu parce qu'il dit, il y a peut-être des activités où elles seraient meilleures que nous. Bon, enfin, il dit là-dessus, on peut pas vraiment discuter ou alors on ne peut que plaisanter. Le principe étant que généralement, voilà, on ne peut pas affecter les femmes à un emploi plutôt qu'à un autre. Mm-hmm. Voilà. En tant que femme. En tant que femme. Maintenant, vous avez à l'intérieur du genre féminin, comme à l'intérieur, je ne devrais pas employer le mot genre d'ailleurs, mais à l'intérieur du sexe féminin comme à l'intérieur du sexe masculin, diverses natures. Parce que la nature humaine se divise en plusieurs naturelles. Et là, ces naturelles peuvent faire, comme on l'a entendu dans le texte, que les unes seront philosophes, les autres seront médecins ou sont appelés à l'être. D'autres encore seront guerrières et ainsi de suite. Voilà, exactement comme chez les hommes, on trouvera une distribution des emplois en fonction des naturels. Voilà. Mmh. Donc, de ce point de vue, le parallèle me semble assez solidement fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que la nudité, vous voyez, dont il sait qu'elle scandalisera les auditeurs, est en même temps l'occasion pour lui de rappeler que ce qui est visible n'est pas, si vous voulez, conceptuellement déterminant et même n'est pas naturellement déterminant. Voilà. Si on entend bien le texte jusqu'au bout, celui qui a été diffusé, Fulcran Tesserin, à la fin du texte, on entend ces mots. Ce sont donc de telles femmes qu'il faut sélectionner pour vivre avec des hommes du même genre et pour monter la garde avec eux, si toutefois elles y sont suffisamment propres et ont une nature parente de la leur. Le terme déjà peut nous mettre sur la piste qu'il y a quelque chose de louche qui se prépare, puisqu'il s'agit de sélectionner des femmes, comme on le verra, on va sélectionner des enfants, c'est un vocabulaire eugéniste. Ah ben oui, mais de toute façon, ici, l'eugénisme, qui est pas tant dans ce livre... dans ce livre 5, prolonge un processus de sélection qui a déjà été mis en œuvre dès le livre 3. Parce que dès le livre 3, on explique que il va y avoir trois classes et que, évidemment, dans la cité idéale, et que, évidemment, on va devoir déterminer qui appartient à quoi, c'est-à-dire à quelle classe chacun doit appartenir. Bon, et pour cela, il va falloir procéder à un ensemble d'examens, et on va, en fonction donc de ce que l'observation pourra enseigner, on va distribuer les individus selon leur aptitude dans les trois classes de la cité. Et donc, vous avez le même processus de sélection qui va s'opérer auprès des femmes. Certaines seront, en vertu de leur naturel, affectées à la classe des auxiliaires, d'autres seront affectés à la classe des gardiens et les troisièmes seront affectés à la classe des productrices. Juste un peu plus loin, juste après le texte, on lit ceci, que ces femmes soient toutes communes à tous ces hommes et qu'aucune ne vive en privé avec aucun, que les enfants eux aussi soient communs et qu'un parent ne connaisse pas son propre rejeton ni un enfant son parent. Alors oui, là donc quoi est-on ici ? Alors là on rentre dans la deuxième proposition, c'est-à-dire la proposition communiste. Bon. Donc deuxième vague. La deuxième vague. Alors, je crois qu'il faut d'abord rappeler une première chose, c'est que dans ce livre 5, on parle essentiellement de la mise en commun des femmes et des enfants. On ne parle peu ou pas de la mise en commun des biens. Celle-ci, elle a déjà été faite, elle a déjà été annoncée à la fin du livre 3. Platon y fait une petite allusion dans le livre 5, mais ce n'est pas l'objet de son développement principal. Alors, je voudrais quand même rappeler sur la communauté des biens, parce que je crois que ça permet de caractériser en partie le communisme de Platon. Cette propriété des biens, elle est assez singulière. En fait, ce qui est seuls ne sont concernés par cette mesure, les seuls à être concernés, ce sont les gardiens et les auxiliaires. Ce ne sont pas les producteurs. Rappelons que les trois classes, donc voilà, les trois classes de la cité. Trois classes, producteurs, auxiliaires, guerriers et gardiens. Alors parfois, dans son exposé, Socrate associe les deux classes supérieures. Va les désigner du même terme, qui peut être d'ailleurs le terme de gardien, comme celui aussi d'auxiliaire. Les deux termes vont pouvoir fonctionner pour désigner soit chacune des deux classes, soit les deux classes ensemble. Bon. Et donc là où il va y avoir une véritable communauté des biens, c'est pour les deux classes supérieures. Bon, et tout particulièrement pour la classe supérieure. Et cette communauté des biens, en réalité, est on devrait plutôt la définir comme un régime de salariat, parce que d'une part, il n'y a pas de propriété privée, quasiment pas de propriété privée. Ils posséderont le strict minimum, nous dit Socrate, c'est-à-dire probablement leurs vêtements, mais guère plus. Et puis tout le reste leur sera donné par les producteurs. Donc en fait, ils sont les salariés de la communauté dans son ensemble. Les producteurs, c'est-à-dire la troisième classe, artisans. Voilà, les artisans. Les artisans produisent les biens pour que la cité puisse vivre au fond. Les fabricants de richesses, les producteurs de richesses. Et ces derniers sont propriétaires, soit de leur atelier ou de leur manufacture, soit de leur terre ou de leur troupeau. Bon, et donc la richesse annuelle produite par ce capital, une part en sera prélevée et donnée à ses gardiens, à ses auxiliaires, pour leur entretien. Et ça, c'est renouvelé annuellement. Bon. Ce serait l'équivalent quoi, des députés, de autres... Oui, mais des députés qui n'auraient rien. Ouais. Ils n'auraient rien. Et même en tant que corps, ils n'ont rien. Il n'y a pas de propriété commune. Voilà. Donc, en fait, la véritable richesse est possédée par la troisième classe, et une petite partie de celle-ci est allouée par cette troisième classe aux classes supérieures pour leur entretien. Mmh. Bon. Et donc, on voit aussi ici la grande différence avec le communisme tel qu'il va être envisagé beaucoup plus tard au XIXe siècle, particulièrement par Marx et Engels, parce que ce dont eux parlent essentiellement, c'est la mise en commun des moyens de production. Et c'est précisément ce qui est exclu du communisme platonicien. Donc là, il y a une vraie divergence entre le communisme, disons, auquel nous sommes habitués, qui est celui du XIXe siècle, celui qui est envisagé par les penseurs du XIXe siècle, et le communisme platonicien. Somme toute, ce communisme platonicien exclut ce qui était précisément mis en commun, ou ce qui sera précisément mis en commun par les communistes du XIXe siècle. Voilà. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais faire un bref rappel. Ensuite, pour ce qui est de la mise en commun des femmes. Alors, cette mise en commun, elle passe par une réglementation du mariage. Par une réglementation du mariage, et le principe général est le suivant. C'est qu'aucune femme ne pourra vivre en privé avec aucun homme. Ça, c'est la règle générale. Bon. Alors maintenant, il faut quand même assortir les individus, parce qu'il y a une nécessité. Que Platon dit, non pas géométrique, mais érotique, qui s'impose et qui va faire que, inévitablement, il convient d'apparier les deux sexes. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Puisqu'il n'y a pas de vie privée, puisqu'il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de vie privée partagée dans un foyer, les conjonctions seront essentiellement sexuelles, et elles seront nocturnes. Parce que dans la journée, tous ces individus mèneront une vie au grand air, dehors, et partageront les activités de garde, de direction, et les repas. Donc on s'accouple pas pendant la journée? Non. Ouais. Mais on fait ça pendant la nuit. Mmh. Voilà. Et alors, on fait ça... Donc selon quels critères, alors? Parce qu'on a bien compris qu'on n'était pas tellement libre de choisir. Non, on n'est pas libre. Personne n'est libre de choisir ici. Il n'y a pas beaucoup de liberté, d'ailleurs. Il n'y a pas de liberté. Alors, il n'y a pas de liberté. Il faut voir qu'il y a... une première règle qui va que vous avez lue, qui est celle d'un choix qui va conduire ce qu'on considère comme les meilleurs... à être lié à celles que l'on considère comme les meilleures. Et donc ce choix-là, il va être privilégié, on va faire en sorte qu'il soit plus fréquent que le précédent. Mais alors quand j'évoque le mot choix, on a l'impression que soit un chef choisit pour ses subordonnés, soit ce sont les subordonnés eux-mêmes qui se choisissent. En réalité, il n'y a pas du tout de choix. Non. Le terme est inexact, il y a un tirage au sort. Bon. Alors, ce tirage au sort, donc c'est un aléa qui va décider de l'appariement membres des deux sexes. Sauf que c'est un tirage au sort qui est truqué. Les dés sont subtils, dit Platon. Et ils vont être truqués de quelle manière? De la manière suivante, c'est qu'on va faire en sorte que ceux dont on estime qu'ils sont les meilleurs aient plus fréquemment l'occasion de s'unir avec celles dont on estime également qu'ils sont les meilleurs. C'est la légitimation du mensonge en politique dont on parlait hier. On peut tout à fait mentir au peuple dès lors que ce mensonge est noble, c'est-à-dire qu'il sert la cause du pays. Voilà. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que, évidemment, pourquoi est-ce qu'on recourt au tirage au sort? Parce qu'il faut précisément éviter que il y ait des dissensions. Le sort ici, c'est pas comme dans les dans la pratique archaïque du tirage au sort, la voix donnée aux dieux. Il s'agit pas du tout de faire du dieu le responsable du mariage, mais il s'agit précisément de dire que faire en sorte que ceux qui sont sortis du mariage parce que les dés sont truqués ne puissent s'en prendre à personne. C'est la faute à pas de chance. Voilà. Et c'est grâce à c'est pour ça que le sort est utilisé, parce qu'il faut qu'il ne puisse pas rendre tel ou tel fautif ou coupable de leur exclusion du champ du mariage. Ben là, on comprend la dimension ultra élitiste de ce texte, qui est de dire qu'il y a quand même une frange de la société, qui est d'ailleurs, c'est pas une frange, c'est une classe, la classe supérieure, qui va décider pour tous les autres en leur mentant, en leur faisant croire que c'est pour leur bien. Soyons clairs, il ne s'agit pas des producteurs. Il s'agit de la classe supérieure, donc c'est une hiérarchie interne à la classe supérieure. Ah oui, entre eux. C'est pas du tout les producteurs, on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Donc c'est pas l'élite qui ment au peuple pour le faire. Non, c'est l'élite qui ment à l'élite. Ils se mentent entre eux. Ils se cachent. Alors, il y a, c'est encore plus ce qu'on lit est encore plus troublant quand on constate que dans la même phrase, il est dit que on va encourager les relations sexuelles entre ceux qui ont été les plus braves sur le champ de bataille. Bon, et ça va apparaître comme une récompense de leur vaillance. Oui, c'est ça, une gratification érotique. Et donc, quand on voit bien le texte, on constate que cette gratification érotique, elle ne peut pas être du même ordre que le mariage. Parce que, évidemment, elle est ouverte, cette gratification érotique. C'est une récompense, c'est un prix. Donc on ne peut pas cacher la chose, elle est officielle. Donc vous avez une tension entre, d'une part, le fait que le mariage officiel est un mariage aléatoire, choisi officiellement au hasard, l'assortiment est fait au hasard, et d'autre part le fait que ces gratifications érotiques qui vont favoriser l'accouplement des meilleurs... Et qu'on n'a pas le droit de refuser, c'est bien précis dans le texte. Exactement. Ouais. Lui est complètement laissé à l'initiative des individus. Et il est présenté comme une récompense. C'est ça. D'accord? Donc, en fait, quand on lit bien le texte, il y a deux régimes de sexualité. Il y a un régime qui est un régime, disons, conjugal. Et là, c'est le sort qui règne. C'est officiellement le sort qui règne. Et puis, il y a un deuxième régime de sexualité qui est non conjugal. Et là, c'est un régime où il peut y avoir une initiative individuelle. On laisse au meilleur le choix du partenaire. Homme ou femme? Homme ou femme. Enfin, disons que c'est présenté d'abord comme plutôt un privilège masculin, et puis quand Platon revient là-dessus, il y a une petite phrase et il parle d'un système qui honore les hommes et les femmes. Mais est-ce que ça veut dire que l'homme peut choisir un homme comme gratification érotique? Probablement. A priori. Probablement. C'est pas uniquement. Probablement. Du coup, c'est érotique, c'est pas pour une fin reproductive. Mais l'idée est quand même que ça favorisera la naissance d'excellents sujets parce que ils auront eu des ascendants eux-mêmes choisis. Mmh. Voilà. Oui. Donc, voilà, il faut avoir à l'esprit qu'il y a deux régimes de sexualité. Un qui est conjugal et l'autre qui ne l'est pas. Une question qui peut paraître annexe mais que Platon prend au sérieux. Comment fait-on selon ce système pour éviter l'inceste? Alors. Parce que si on sait tirage au sort et qu'on ne sait pas qui est le fils de qui, la sœur de qui, on peut tout à fait se retrouver à se reproduire avec son frère ou sa sœur. Exactement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les appellations. On va modifier le langage. On va appeler frères et sœurs tous ceux qui naissent de manière simultanée, qui appartiennent exactement à la même génération. Parce que je le rappelle, donc les enfants sont mis en commun. Ils sont mis en commun. Ils sont enlevés à leur mère au moment de la montée de lait, précise-t-il. On les met tous ensemble on met en commun, et on ne sait plus qui. Et tous ceux qui sont nés au même moment s'appellent frères et sœurs. D'accord. Bon. Et ils appelleront parents tous ceux qui se sont unis entre 8 et 10 mois avant leur naissance. D'accord. Voilà leurs parents. Donc ça ne protège pas du tout de l'inceste. Ça protège de l'inceste vertical. Des relations oui, c'est ça. Ça protège de l'inceste vertical parce qu'il sera interdit de se lier avec ses ascendants. Tout comme il sera interdit de se lier avec ses descendants. Mm-hmm. Voilà. Bon. En revanche, l'inceste entre frères et sœurs est parfaitement toléré. Il est levé, l'interdit de l'inceste est levé. Sauf que les frères et sœurs ne sont précisément pas biologiquement des frères et sœurs. Ceux qu'ils appellent frères et sœurs, ce sont précisément des gens qui ne sont pas frères et sœurs. Il doit y en avoir. Eh bien non. Ah bon ? Puisque vous appelez frères et sœurs ceux qui sont oui, nés mais biologiquement, un homme et une femme peuvent avoir ensemble plusieurs enfants, alors, même avec voilà, le tirage au sort. Il peut y avoir des frères et sœurs qui appartiennent à des générations différentes. Mais ceux-là ne seront pas appelés frères et sœurs. Donc en fait, les frères et sœurs biologiques ne sont pas appelés frères et sœurs, et ceux dont on est sûr qu'ils ne sont pas frères et sœurs sont appelés frères et sœurs. Il faut bien avoir à l'esprit ce système-là. Donc il peut y avoir en effet des relations incestueuses entre frères et sœurs qui seront parfaitement tolérées, à condition que ces frères et sœurs évidemment appartiennent à des générations différentes. Mais ils ne sauront pas qu'ils sont des frères et sœurs. Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle. Les ovules qu'on vous a prélevés ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi ? Oh, nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui. Bien, vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tel que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre nous de choses. Nous ne voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais... Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible ? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Il faut que les hommes les meilleurs s'unissent aux femmes les meilleures le plus souvent possible. Et les plus médiocres, au contraire, le moins possible. Nourrir les rejetons des uns et pas ceux des autres, si l'on veut que le cheptel soit de la meilleure qualité possible. Et il faut que la mise en œuvre de tout cela passe inaperçue, sauf des dirigeants eux-mêmes, si l'on veut qu'en contrepartie, la troupe des gardiens reste le plus possible exempte de dissensions internes. Il faudra donc instituer par la loi des fêtes, au cours desquelles nous rassemblerons les promises et les promis, et des sacrifices, et il faut faire composer par nos poètes des hymnes appropriés aux mariages qui ont lieu. Et quant à décider de la quantité des mariages, nous en ferons une prérogative des dirigeants, de façon qu'ils préservent le plus possible le même nombre de guerriers, en prenant en compte les guerres, les maladies et tous les facteurs de ce genre, et que notre cité, autant que possible, ne grandisse ni ne diminue. Aussi, je crois qu'il faut faire des tirages au sort subtils, de façon que l'homme de qualité médiocre, à chaque union, accuse le sort et non les dirigeants. Quant à ceux des jeunes, bien sûr, qui sont vaillants à la guerre ou ailleurs, il faut leur accorder des privilèges, n'est-ce pas ? Et une variété de prix. En particulier, d'être moins regardants sur les permissions qu'on leur donne de coucher avec les femmes, de façon, en même temps, à avoir un prétexte pour que le plus grand nombre des enfants soit issu de la semence de tels hommes. Et voilà comment on décide du sort des gardiens de la cité, Fulcran Tesserin, le texte que l'on vient d'entendre lu par Bernard Gabet. Donc un extrait du livre 5 reprend quasiment point par point ce que vous venez d'énoncer, avec cette référence au film Bienvenue à Gattaca, dont vous avez peut-être reconnu l'extrait. Il est vrai que le terme d'eugénisme s'applique sans aucun doute à ce que Platon propose ici. Oui, d'autant plus que Platon se sert de la comparaison systématique avec les animaux. Mmh. Les animaux se sélectionnent, se dressent. Les humains, de ce point de vue, ne sont pas différents. Mais alors juste avant d'aller plus loin, parce qu'on n'est pas au bout de au bout de nos surprises, comment fait-on pour continuer à accorder du crédit à Platon quand on voit tout ça? Parce que j'imagine, rassurez-moi, qu'on peut être platonicien sans cautionner tout ce que Platon énonce ici dans son livre 5 de la République. Évidemment, je cautionne pas du tout, mais C'est quand même le texte fondateur de la philosophie et de la philosophie politique, et on trouve ce genre de choses. Et encore, j'ai pas lu les pages sur l'infanticide où il faut que les nouveau-nés auxquels on ne croit pas trop, on les met dans un enclos, on les laisse mourir de faim. Oui, on les expose. On les expose. Oui, enfin bon, c'est le. C'est l'euphémisme pour dire qu'on les tue, quoi. Oui, on les tue. Alors, évidemment, le lecteur d'aujourd'hui, et moi le premier, je ne souscris évidemment absolument pas à ce genre de choses. En même temps, il faut, c'est pas pour du tout excuser Platon, mais rappeler que la pratique de la sélection, l'exposition des enfants était monnaie courante dans l'Antiquité. C'est des choses que l'on faisait. Oui, mais Platon pense à la justice. Il veut une cité juste, il nous propose une cité où on tue les nouveau-nés. Ah, mais parce que pour lui, il n'y a pas de cité, il n'y a pas de droit. La question des droits des enfants ou des droits de l'homme, c'est une question qui ne se pose absolument pas. Les individus ne sont pas titulaires de droits. Donc la justice n'est pas une affaire de droit. Ce n'est pas du tout une affaire de droit. C'est une affaire de distribution. D'harmonie, d'ordre. De répartition. Ouais. C'est une affaire de distribution et de répartition. Mettons les gens là où ils doivent être. Voilà. Faisons en sorte que les emplois correspondent à leur nature. C'est ça, la véritable justice. Pareillement, à l'intérieur de l'âme, ça veut dire que chaque partie de l'âme doit accomplir la fonction qui est la sienne. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on raisonne sur la juste organisation, la bonne distribution des parties dans un tout, mais on ne raisonne pas sur des individus ou des parties de ce tout qui seraient d'entrée de jeu, équipés, dotés de droits, ayant une créance sur qui, sur la collectivité. Non. Platon, c'est tout l'inverse. C'est les individus. Les individus n'ont rien à réclamer à la collectivité. C'est la collectivité qui peut éventuellement avoir à réclamer quelque chose aux individus, puisque c'est elle qui les forme et qui les dresse. Bon. Donc, évidemment, nous sommes farouchement attachés à cette idée d'un individu titulaire de droit, et nous sommes complètement effarés par ce que propose ici Platon. Mais Platon ne raisonne absolument pas à partir de l'individu comme une entité autonome ayant un certain nombre de prérogatives naturelles. Mais alors comment faire pour ne pas jeter Platon avec l'eau du bain, justement, parce qu'il a quand même quelque chose encore à nous dire? Ou alors est-ce qu'on se dit c'était une autre époque, l'idée même du droit de l'homme n'existe pas, donc il faut prendre ce texte comme étant daté. On peut distinguer deux choses. On peut à la fois reconnaître que sa conception de la justice comme principe de distribution conserve somme toute une forme d'actualité, parce que après tout, ce qu'on appelle aussi la justice sociale de nos jours, c'est aussi une question de distribution, de répartition. Donc l'idée que la justice a à voir avec une distribution et une répartition, elle est toujours pertinente, me semble-t-il. Deuxièmement, l'idée selon laquelle cette répartition ou cette distribution doit obéir à une forme d'égalité qu'il appelle l'égalité géométrique, et non pas arithmétique. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner la même chose aux mêmes individus, on va donner de façon différenciée à des individus qui sont différenciés. La justice proportionnelle ? Une justice proportionnelle, voilà. Cette idée de proportionnalité ou d'ajustement de la distribution, elle est toujours encore pertinente. Mmh. Les penseurs de la justice sociale pensent eux aussi à une répartition qui tienne compte des besoins ou du type d'individu auquel on s'adresse. Bon, donc cette compréhension de la justice me semble être, dans son aspect formel, disons, conserver toujours sa pertinence. Maintenant, est-ce que on doit souscrire aux mesures eugénistes ? Non, évidemment pas. Voilà. Donc je crois qu'on peut assez aisément distinguer le plan conceptuel du plan des mesures concrètes que Socrate ici propose pour l'organisation de sa justice, de sa cité idéale, pardon. C'est ce que tente de faire le philosophe Bertrand Russell, écoutez. There are some philosophers who exist to uphold the status quo, and others who exist to upset it, and Marx, of course, belongs to the second lot. For my part, I should reject both those as being not the true business of a philosopher. And I should say the business of a philosopher is not to change the world, but to understand it, which is the exact opposite of what Marx said. Il y a deux types de philosophes, dit Bertrand Russell. Il y a ceux qui veulent changer le monde et ceux qui veulent le comprendre. Je fais partie de ceux qui veulent le comprendre, Mais Marx était à l'exact opposé. Pourquoi est-ce que cette archive est intéressante, Fulcran Tesserin? Parce que Bertrand Russell, comme Karl Popper notamment, sont deux philosophes qui ont mis en garde contre la République de Platon, disant que c'est dans ce texte qu'étaient venus puiser ceux qui auraient mis en œuvre ensuite le communisme dans ce qu'il avait de plus totalitaire. Donc les régimes totalitaires pouvaient justifier leur existence à l'aide de ce texte de la République de Platon. Oui, mais alors, l'opposition que fait Russell entre le philosophe qui veut comprendre et le philosophe qui veut transformer le monde. Ben c'est une opposition que vous trouvez, dans une certaine mesure, à l'intérieur même de la République, dans le livre 5. Parce que, quelques pages plus loin, Socrate précise la raison d'être de ce modèle qu'il vient d'élaborer en parole. Au fond, il lui assigne une fonction, d'abord, qui est une fonction cognitive. Mm-hmm. Il s'agit de savoir ce qu'il en est de la justice dans la cité, dans la justice dans l'homme. Donc ici, l'enjeu est de connaître, de connaître et de comprendre. Bon. Et puis, il lui reconnaît une fonction pratique. Mais il les distingue, l'une et l'autre. Hein. Il dit, au fond, ça peut servir aussi de guide à l'action. Mm-hmm. Hein. Et il espère, il souhaite que se rencontre de façon tout à fait miraculeuse le pouvoir et le savoir pour que ce plan qu'il a esquissé inspire précisément un acteur politique et lui permette de construire quelque chose dans les faits qui ressemble en partie à au plan qu'il vient ici de nous présenter. Voilà. Mais l'opposition entre ce qui est la vocation de la philosophie comme compréhension du monde, ouais, comme connaissance du monde, et la philosophie comme principe d'action, ouais, ou comme engagement pratique, cette distinction, elle est présente déjà dans la République elle-même. Voilà. Et Russell parle de Marx, mais c'est justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que dans quelle mesure est-ce que le communisme de Platon a pu engendrer le communisme de Karl Marx, par exemple? Ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le communisme de Marx, c'est quand même pas non plus le communisme sexuel dont on vient de parler, c'est pas l'abolition de la famille, ce n'est pas la vie communautaire avec des repas en commun et la sélection des enfants. Le communisme de Marx, c'est d'abord la collectivisation des moyens de production, dont Platon précisément ne parle absolument pas. Tout à fait. Voilà. Donc il y a quand même une vraie différence. Alors maintenant, avec le régime bolchevique et les États totalitaires que la comparaison voilà, se fait. Alors, il peut évidemment y avoir effectivement des compréhensions de l'hypothèse communiste qui sont tout à fait qui sont plus proches en un certain sens de Platon que de Marx. Ça c'est possible. Le parallèle est extraordinairement frappant entre la République de Platon et le régime que les meilleurs d'entre les bolcheviques s'efforcent de créer, écrit Russell. Ah, vous êtes sceptique. Alors, bah, écoutez, oui, je sais pas, mais en Russie, même dans la Russie bolchevique, ils ont pas quand même complètement supprimé la structure familiale. Hein? Ils ont, alors évidemment, le divorce a été très facilité. Il y a eu des ce qui est vrai, c'est qu'on a essayé de construire des appartements communautaires ou des maisons communautaires. Donc il y avait quelque chose qui pouvait ressembler en partie, mais enfin l'objectif principal, y compris dans la Russie communiste, a été, me semble-t-il, l'appropriation des moyens de production. Oui, c'est que la propriété collective des usines. Certes, bon. Mais là, vous êtes sur un point de vue théorique. Je pense que ce que Russell dit, c'est sur le point de vue des conséquences. C'est le nombre de morts qui a été engendré pour que le régime communiste puisse arriver à ses fins. Ça pose la question, au fond, de la façon dont le philosophe va exercer le pouvoir une fois qu'il aura été mis à la tête de la cité. Il y a quand même toute une partie de la République qui précise que cette proposition de mettre le philosophe à la tête de la cité, c'est une proposition qui va rencontrer énormément de résistance. C'est ce qu'on appelle le philosophe roi. Le philosophe roi. L'idée est exposée à la fin du livre 5. Est exposée. Et alors, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que dans le livre 6, il explique qu'il va bien falloir quand même que le philosophe mouille un peu sa chemise pour montrer sa vertu, son excellence. Et c'est uniquement à cette condition-là, quand on aura vraiment compris qui était le philosophe, qu'on saura, que le peuple sera enclin à lui remettre en partie son pouvoir. Voilà. Donc il y a quand même une nécessité d'obtenir en partie l'adhésion du peuple. Vous dites ça pour nuancer l'accusation de totalitarisme. Voilà, il y a cet élément qui est important, qu'il faut pas négliger. Voilà, qu'il faut pas négliger. Maintenant, évidemment que il y ait disparition de la vie privée, hein, qu'il y ait abolition du couple et de la famille, et qu'il y ait meurtre, mainmise de l'État, hein, ou de l'autorité étatique sur la vie complète des citoyens, ça c'est parfaitement juste. Et donc en un sens, on doit dire en effet qu'il s'agit là d'un régime totalitaire, au sens où tout de la vie des individus est subordonné à l'État. Alors il nous reste quelques minutes pour aborder assez rapidement, mais on y reviendra lundi prochain, puisque je le rappelle, nous consacrons 2 semaines, 2 séries d'émissions à cette République de Platon, et heureusement, parce que là même en 4 émissions, on a lu donc les 5 premiers livres, et encore à toute vitesse, tellement chaque livre est riche. On reviendra donc sur la fonction du philosophe dans la cité, mais comme on la trouve dès la fin de ce 5e livre, Fulcran Tesserin, disons, on peut en dire un mot, le roi philosophe. Alors, je vous propose qu'on écoute le texte, peut-être, pour qu'on puisse le commenter. Vous voulez en parler directement, parce qu'il nous reste peu de temps. Bon, alors, le roi philosophe, c'est la 3e vague. Hein, c'est la 3e vague. Allez-y, bon, je vous en prie. C'est la 3e vague, et donc c'est une réponse, au fond, à la question, mais comment est-ce qu'on va rendre possible cette cité? Hein, voilà, c'est ça. C'est, en fait, l'objection, c'est de dire, bon, d'accord, Socrate, on a entendu ton exposé de la cité idéale. Ouais. Mais concrètement, comment fait-on? Est-ce que là, tu n'es pas trop dans l'idéal, dans l'idée, justement, dans le rêve, alors que concrètement, cette cité est inapplicable? Voilà, cette façon de poser la question de la réalisabilité de cette cité, elle est, elle revient à plusieurs reprises. C'est un tsunami, Socrate, il dit, c'est un tsunami, c'est un raz-de-marée, là, cette question. Et bon, c'est une question qu'il recule, qu'il traite déjà, et puis finalement, là, il va l'affronter complètement. Alors, il y a une première réponse, c'est de dire, au fond, c'est possible parce que c'est naturel. Voilà. Ça, c'est sa premier type de réponse. Le deuxième type de réponse, c'est de dire, au fond, il faut qu'il y ait une circonstance absolument favorable qui va permettre à cette nature idéale, qui est déjà une nature intelligible, d'entrer dans le devenir, hein, de structurer le devenir, de devenir le modèle qui imprime ces différences et ces distinctions à une partie du monde sensible. Bon, il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir comme cela dans ce devenir, et c'est la rencontre du philosophe et du roi. Hein. C'est, pourrait-on dire, une dictature du savoir qui va ainsi s'esquisser. Et évidemment, on pourra dire, c'est complètement effrayant. Heureusement que Denis de Syracuse, dans sa sagesse, n'a pas écouté Platon et l'a mis à la porte et l'a peut-être même réduit en esclavage. Mais cette dictature du savoir, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas le pouvoir que va exercer le philosophe, c'est un pouvoir qui est d'abord un pouvoir de fondation. Hein, il fonde une cité, ou il refonde une cité. Et ensuite, c'est un pouvoir de conservation. C'est-à-dire qu'une fois que cette cité est ordonnée, une fois qu'elle a été bien structurée, lui se contente d'être le gardien de la constitution. Il veille à ce que les lois et la distribution, l'organisation tripartite de la cité soient conservées. Alors pourquoi parlez-vous de dictature? Alors, dictature parce que au départ, il faut bien commencer, il faut bien organiser. Et là, on impose, c'est ça? Alors là, on impose, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait d'abord ce consentement initial qui est absolument indispensable. Il faut que le philosophe démontre sa vertu et son excellence. Et une fois qu'il aura fait la preuve de sa vertu et de son excellence, et que donc les autres auront été convaincus que c'est bien à lui qu'il revient de prendre en charge la cité, alors là, il pourra proposer et imposer ses réformes. La deuxième chose que je veux dire, c'est que nous sommes au 5e siècle, enfin, nous sommes à la fin du 5e siècle, au 4e siècle, et le 5e et le 4e siècle ont été des périodes de fondation, hein, avec énormément de colonies qui ont été créées, et ont demandé à des philosophes de proposer une constitution, des lois, et parfois même d'établir un urbanisme de cette cité. Bon, Hippodamos de Milet, par exemple. Donc, il y a eu, c'est une pratique fréquente en Grèce antique. Donc, l'idée qu'on allait pouvoir établir une cité sur des bases complètement neuves n'est pas une idée totalement fantastique. Hein. Il y avait une pratique déjà dans, de cet ordre. Par exemple, Protagoras s'est vu chargé par Périclès de donner à la colonie des Touroïs sa constitution. Et il l'a fait. Donc, et puis on peut penser évidemment aux réformes de Clisthène qui ont été absolument radicales aussi. Donc il y a cette pratique de fondation, de législation qui structure complètement une cité et qui l'a fait commencer donc sur de nouvelles bases. Mmh. Voilà. Donc, pour dire que le caractère idéal ne l'est pas tant que ça, enfin n'est pas tellement surprenant. Ça n'est pas dire que c'est inapplicable. Voilà, n'est pas surprenant. Voilà. Il y avait une troisième chose que vous vouliez dire à ce sujet, non ? C'était deux. Oui, et la troisième chose que je voulais dire, c'est que le pouvoir du philosophe, pouvoir de conservation, est aussi un pouvoir temporaire. D'abord, il arrive au pouvoir très tard. Il reste quelques années, il s'en va. Et ce philosophe, il a aussi cette qualité tout à fait singulière, c'est que finalement, il exécute un devoir quand il s'occupe de cette cité. Il accomplit un devoir de piété parce que c'est la cité qui l'a formé et donc il rend sa dette. Et somme toute, si du point de vue de la nature de la cité, il est tout à fait juste et approprié que ce soit lui qui la dirige, du point de vue de sa propre vocation, il est complètement en contre-emploi quand il est à la tête de la cité. Et c'est parce qu'il est en contre-emploi que, précisément, il assume très bien le rôle qu'il le sien. C'est le point central, justement, voilà, c'est de dire que pourquoi le philosophe est-il le mieux à même de gouverner une cité ? C'est parce que, justement, il a un rapport désintéressé au pouvoir. C'est parce qu'il ne veut pas occuper ce poste-là. C'est parce qu'il ne veut pas et c'est parce qu'il a autre chose à faire. Il a mieux à faire. Ouais. Hein, ça fait de lui un bon gouvernant, c'est intéressant. Voilà, pour être un bon gouvernant, il ne faut pas le vouloir. Et il suffit pas de ne pas le vouloir ou d'être désintéressé. Il faut surtout avoir mieux à faire. Et comme il a mieux à faire, ce qu'il fait par contrainte, il le fait correctement. C'est un bon conseil à donner à nos candidats, non, en ce moment ? Peut-être voter pour celui qui aurait mieux à faire que de gouverner notre pays. Exactement. C'est un très bon conseil, un conseil platonicien. Voilà. Ouais. Et alors, pourquoi les philosophes sont-ils les mieux à même de gouverner ? Comment forme-t-on un philosophe ? Comment le philosophe va-t-il s'adresser à la cité et faire en sorte que celle-ci cautionne son règne ? Autant de questions qu'on posera lundi prochain en continuant de lire donc La République de Platon. Merci infiniment, Fulcran Tesserin, d'être venu ce matin nous lire ce terrible livre 5. Enfin, chacun se fera son opinion. Je crois qu'on a eu un bon avant-goût. Et on se quitte, puisqu'on a fait plusieurs vagues aujourd'hui, après les vagues du Covid, les vagues de la République, on se quitte avec les waves de Kanye West. Step up in this bitch like I'm the one your bitch like. Yeah, I'm the one your bitch like. And I be talking shit like I ain't scared to lose the fist fight. And she grabbing on my light. She wanna see if it'll fit right. That's just the wave. Waves don't die. Let me crash you for the moment. Yeah. Shine in the shade. Bird can't fly in a cage. Even when somebody go away, the feelings don't really go away. That's just the way. Waves don't die. Let me grasp you for the moment. I don't need to own you. No lie. Alors pour lire La République de Platon, vous avez plusieurs options, on la trouve chez plusieurs éditeurs. Si vous voulez lire tout Platon, il y a les œuvres complètes de Platon sous la direction de Luc Brisson qu'on trouve chez Flammarion. Il y a différentes traductions aussi, on a beaucoup entendu cette semaine celle de Pierre Pachet, il y a celle de Leroux. Il y en a beaucoup d'autres également, faites votre choix. Mais plongez-vous, j'espère que ces émissions vous donnent envie, plongez-vous dans La République de Platon et faites-vous votre propre opinion, même si on précisera ce que Platon pense des opinions, justement. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver Frédéric Worms et sa chronique Le Pourquoi du Comment. Comment doit-on pratiquer l'expérimentation ? Ce qu'on appelle l'expérimentation, c'est très simple à définir et très compliqué à pratiquer. C'est l'expérience délibérée pratiquée par les humains en vue d'obtenir un but, notamment un but scientifique. C'est donc une expérience, quelque chose que l'on va observer, qui se passe réellement indépendamment de nous, mais qui est pratiquée dans un cadre qui, lui, dépend de nous, un cadre théorique où l'on veut, par exemple, vérifier ou aussi falsifier une hypothèse, montrer qu'elle est, en effet, vraie ou fausse selon ce que l'expérience nous en apprendra. C'est donc une expérience délibérée qui implique à la fois des règles épistémologiques, un cadre théorique, mais aussi qui peut avoir et qui a toujours une responsabilité pratique parce qu'elle a des effets réels et qui donc ne s'accompagne jamais seulement de règles théoriques, mais aussi de protocoles éthiques et même politiques. Ainsi, on va citer ici deux grandes références. La première, la plus canonique, c'est celle du médecin français du 19e siècle, Claude Bernard. Claude Bernard qui a écrit une introduction à l'étude de la médecine expérimentale pour montrer comment la médecine a besoin de l'expérimentation. Mais aussi, alors, quels problèmes éthiques? Comment expérimenter sur le vivant? Ça n'est pas exactement la même chose que d'expérimenter sur les atomes. Et Claude Bernard justifiait, par exemple, de manière métaphysique presque, la différence entre les hommes et les animaux et les autres vivants qui autorisaient, selon lui, toutes les expérimentations sur les animaux. Le XXe siècle a montré certains médecins pratiquant des expérimentations sur des humains et d'autres qui ont eu besoin aussi de protocoles, y compris sur les animaux. Il y a donc, heureusement, désormais, des chartes éthiques et politiques qui limitent l'expérimentation, même pour de supposées bonnes causes. Mais il y a aussi un deuxième grand philosophe spécialiste de l'expérimentation qui va nous en apprendre les enjeux. Écoutons-le maintenant. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Oui, il s'agit de Boris Vian. Boris Vian qui nous apprend par une sorte d'expérimentation fictive du savant bricoleur qui expérimente sa bombe atomique pour faire disparaître tous les grands dictateurs de la planète. Par une expérimentation fictive, il nous montre les règles aussi de l'expérimentation réelle. Au fond, peut-être qu'il faut faire, toutes les recherches scientifiques, progresser dans la vérité, mais toutes les recherches ne doivent pas mener à toutes les expérimentations, non seulement dans la construction de la recherche, par exemple avec les essais atomiques, mais et surtout dans l'utilisation de la recherche, par exemple, s'il faut expérimenter les effets dévastateurs des premières bombes atomiques. Ainsi, les savants amateurs sont parfois plus éthiques que les utilisateurs professionnels des découvertes scientifiques et les règles de l'expérimentation sont évidemment fondamentales à définir. Les essais cliniques pour les médicaments, l'expérimentation aussi dans différentes sciences sociales sont évidemment centrales et sont au cœur de la science contemporaine. Mais il faut, la pandémie nous l'a bien montré aussi, les réguler à la fois scientifiquement pour la vérité et éthiquement pour la justice. C'est alors que nous aurions confiance dans l'expérience. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique Le Pourquoi du Comment est à réécouter et à télécharger. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier avec Carla Michel, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, Laurence Malonda réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Félix Delacour. À la lecture des textes, Bernard Gabet. La suite de La République de Platon aura lieu dès lundi prochain en compagnie de Monique Dixot. Mais d'abord, on se retrouve demain pour le vendredi. Le vendredi, c'est cours particulier. Nous serons avec le linguiste Bernard Cerchiglini qui viendra vous faire un cours particulier sur la linguistique, figurez-vous, on en a tous besoin. D'ici là, vous pouvez réécouter cette première série d'émissions autour de la République de Platon en ligne sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie ou en téléchargement en podcast sur toutes les plateformes et grâce notamment à l'application Radio France. Rendez-vous également sur Twitter, Facebook, Instagram où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour. À demain 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.